ဒီကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုတ်ဖို့လာကြတာဆိုတော့အဲရအထုတ်တဲ့နည်းကိုနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲလို့ဂိုက်လိုင်းကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါအထုတ်ဖြစ်ပြီပေါ့အထုတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျိုးတရားမှုလည်းပဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလည်းပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ပို့ပြီးတော့ရလာမှာပဲအဲဒီတော့ The main thing is that since you've come here to meditate, the main thing is to understand the method of practice. And if you understand it well, then you can apply it. Each time you learn about the practice, you understand more and more. And so if you understand the practice well, then you can realize the benefits of the practice. Sayado a eu beaucoup de travail et il n'a pas pu vous aider au début de la retraite. Mais vous avez écouté les enseignements de Sayado. Donc il espère que vous avez pu comprendre ce qu'il a dit et que vous avez pu suivre les indications qu'il a données. On doit comprendre la méthode. Quand les anciens yogis écoutent les enregistrements, ils peuvent comprendre encore plus les instructions. Et les nouveaux yogis, s'ils se concentrent sur ce qui est dit, ils pourront comprendre aussi. Et Sayado est confiant dans le fait que vous avez pu appliquer les instructions. La chose principale est que vous êtes venu ici pour méditer. La première chose est comprendre la méthode. Et si vous la comprenez bien, vous pouvez l'appliquer. Chaque fois que vous apprenez comment pratiquer, vous comprenez de plus en plus. Et ainsi, si vous comprenez bien la pratique, alors vous pouvez réaliser les bienfaits de la pratique. Sayado va expliquer la méthode plus en détail. Il va expliquer le système et discuter de ce que vous découvrez quand vous méditez afin qu'il soit plus bénéfique pour vous. Comme nous le savons bien, ce que nous pratiquons est la méthode Satipatthana. Et il y a quatre fondements de Satipatthana, quatre types de Satipatthana. Vu qu'il y a quatre types d'objets, il y a quatre fondements de l'attention. Donc, avec quatre types d'objets, il y a ces quatre types de Satipatthana. Quand vous y pensez, la chose la plus importante est le mot Sati. La chose la plus importante est l'attention. Les yogis sont en train de pratiquer. Quand ils se focalisent sur ce qui se passe quand l'inspiration rentre dans le corps et l'abdomen se soulève, ils se focalisent sur cet objet. Ils remarquent le mouvement de soulèvement. Et quand l'air sort, ils focalisent leur esprit sur l'abdomen qui s'abaisse et ils remarquent le mouvement d'abaissement. Quand vous vous concentrez sur le mouvement de l'abdomen et notez par exemple le mouvement de soulèvement, vous devez chercher de concentrer votre attention du tout début à la toute fin du mouvement. Porter l'esprit à rester sur ces mouvements entièrement du début à la fin est très important. Votre effort doit être là pour observer les mouvements de soulèvement du début à la fin, pour observer les mouvements d'abaissement du début à la fin, avec attention et avec un esprit stable. Comme vous pouvez noter, il y a des fois où le mouvement de soulèvement n'est pas évident. Il y a aussi des fois où le mouvement d'abaissement n'est pas évident. Cette fois-ci, ne forcez pas la respiration. Laissez la respiration se dérouler naturellement. Quand le soulèvement ou l'abaissement ne sont pas évidents, ce que vous devriez faire est simplement placer gentiment votre main sur l'abdomen et observer les mouvements faits par la main pendant que l'abdomen bouge en dessous d'elle et notez ça comme soulèvement et abaissement. Si vous pouvez noter comme ça, en concentrant votre esprit, par exemple, sur les mouvements de soulèvement. Quand l'esprit est concentré sur lui est comme si on était en train de le voir, de l'observer. Donc, vous devriez être attentif à ce que vous êtes en train de noter par rapport au mouvement de soulèvement. Quand vous le regardez comme ça, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous arrivez à connaître? Qu'est-ce qu'on peut savoir en plus sur notre objet? Par exemple, quand l'abdomen se soulève, il peut devenir raide ou il peut s'étirer ou pousser. Ceci sont les choses qu'on devrait arriver à voir en continuant notre observation. Vous devez faire l'effort d'essayer de voir ces choses qui sont la vraie nature des phénomènes. Observez les choses comme la forme de votre ventre ou les mouvements vers le haut ou le bas. Ce niveau de vue est un niveau ordinaire d'observation des choses qui se passent en certains moments. La vraie connaissance, la vraie sagesse, est quand le yogi peut expérimenter les qualités telles que la raideur ou la tension le mouvement d'un point vers un autre, la pression, etc. Ceci sont les choses qui sont les vraies caractéristiques des phénomènes physiques. Pendant que les yogis observent le mouvement des soulèvements et abaissements de l'abdomen comme ça, l'esprit ne reste pas où nous le plaçons. Il va ailleurs. Il vagabonde. Il pense. Il peut se souvenir. Il peut anticiper, etc. Quand l'esprit vagabonde, vous devez simplement le noter 3 ou 4 fois. Vagabonder, vagabonder, vagabonder. Et puis, retournez votre attention vers le mouvement de l'abdomen. De la même façon, si vous réfléchissez, vous devrez noter la réflexion 3 ou 4 fois. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et puis, retournez votre attention fermement sur le mouvement de l'abdomen. Ou par exemple, quand vous rencontrez des amis, vous devez noter ça, rencontrer, rencontrer, rencontrer. Notez ça 3 ou 4 fois. Puis, après avoir noté ces phénomènes, ramenez simplement votre attention sur les mouvements de l'abdomen. Quand l'esprit vagabonde ailleurs, parfois nous ne sommes pas capables de noter qu'on est en train de rencontrer des amis. Nous ne notons pas qu'on est en train de parler avec ses amis et qu'on trouve du plaisir, qu'on a du plaisir à parler avec ses amis. Il peut se passer que nous n'arrivons pas à noter ce que l'esprit fait. Mais à n'importe quel point qu'on se rend compte de ça, nous devons le noter en ce moment-là. À n'importe quelle étape on arrive à noter ce qui se passe, on doit le noter 3 ou 4 fois et ramener notre attention sur l'observation de l'abdomen. Il est important d'y revenir avec une forte concentration sur l'objet principal. Quand l'esprit vagabonde ailleurs ou commence à penser ou imaginer, alors vous devez appliquer beaucoup d'énergie pour vous concentrer. Et vous devez noter l'imagination, le vagabondage ou le penser. Penser, penser, penser, pas que 3, 4 fois, mais 5. Et puis ramener l'esprit sur l'objet principal, le mouvement de l'abdomen. Et vous devez bien joindre votre esprit à l'objet. Car si nous n'appliquons pas ce type d'énergie, alors l'esprit répare facilement vers les pensées et le vagabondage. Des 4 fondements de l'attention, ce dont Sayado est en train de parler, est à propos de l'observation de l'esprit. Citta en pali. On doit noter l'esprit. Ça est un des 4 fondements de l'attention. Citta nupassana satipatthana. Ça est ce qu'on rencontre la plupart des fois et on le rencontre vraiment beaucoup. Donc, vous devez faire attention à ça et essayer de l'observer diligemment. Quand vous observez ces activités de l'esprit, quand vous observez Cittanupassana Satipatthana et puis vous reportez ce que vous avez expérimenté à votre enseignante, est important de reporter si vous avez noté la pensée ou pas. Si vous avez pu la noter tout de suite ou vous l'avez pu noter seulement après longtemps. Peu importe le cas, vous devez noter ces détails par rapport à votre observation quand les pensées apparaissent. Après que les yogis sont restés assis depuis longtemps en observant un pratiquant, ce qui apparaît ensuite sont des douleurs, des picotements, des engourdissements, des raideurs. Quand ça se produit, on doit concentrer notre attention sur cette zone qui est en douleur. Par exemple, noter douleur, douleur, douleur, ou picotement, picotement, picotement, engourdissement, engourdissement, engourdissement. Vous devez placer ces étiquettes qui vous parlent par rapport à chaque phénomène que vous observez et qui est en train de se passer. Quand on note l'inconfort et les douleurs, est courant de vouloir bouger, de changer ou de corriger la posture pour pouvoir être plus confortable. Mais ne le faites pas, ne bougez pas, ne changez pas de posture. Cherchez à supporter la douleur un petit peu quand il apparaît. Quand elle apparaît. Si vous changez votre posture de façon irréfléchie et automatique, alors le flux de concentration sera brisé et la bonne samadhi, la bonne concentration que vous avez, sera brisée. Et la samadhi qui existait déjà, qui était déjà là, même si vous ne l'avez pas noté, elle sera brisée. Donc, chaque mouvement qui est fait doit être observé scrupuleusement. On ne doit pas laisser notre corps bouger automatiquement. Si on continue à changer notre posture chaque fois qu'il y a de l'inconfort, alors il n'y aura pas de chance pour la concentration de commencer à apparaître. Sans concentration, il n'y a pas de sagesse. Sans concentration vipassana, il n'y a pas de connaissance vipassana. Et sans ça, il n'y aura pas de réalisation de la paix de Nibbana. Les gens qui veulent réaliser Nibbana, les gens qui veulent réaliser la paix, doivent supporter ce type de sensations, ce type de phénomènes et les observer avec patience. Si vous êtes capable de vous concentrer sur ces inconforts qui sont appelés Vedana, si vous pouvez les observer, alors vous devez savoir combien est-il douloureux, est-ce cette douleur superficielle, ou est-ce que cette douleur, elle arrive jusqu'aux os? Vous devez arriver à connaître la nature de la douleur en l'observant. Si vous ne pouvez pas être patient, alors vous n'allez pas connaître sa nature. Et donc, vous perdez les bénéfices qui dérivent de la connaissance de la nature de ces phénomènes. Par rapport à l'inconfort, beaucoup de gens sont habitués à avoir une vie confortable. Donc, beaucoup de gens ne sont pas capables de supporter l'observation de la douleur et de supporter cet inconfort. Mais si nous pouvons observer cet inconfort, alors on sera capable de gagner de la concentration. Si on est capable d'observer ce qui se passe patiemment, samadhi sera développé. On doit faire un vœu. Pendant l'heure, je ne bougerai pas. Je ne laisserai pas qu'un mouvement automatique se produise. Je fais le vœu de ne pas me déplacer pendant cette heure-ci. Parfois, les yogis expérimentent plusieurs douleurs en même temps. Il n'y a pas besoin d'aller vers toutes ces douleurs. Il faut se concentrer sur la plus forte. C'est suffisant. Si la douleur devient extrême et on ne peut plus la supporter, alors on doit changer la posture. Mais ne le faites pas sans attention. En ces moments-là, vous devez noter l'esprit qui veut changer. Vouloir changer, vouloir changer, vouloir changer. Et puis, par exemple, vous voulez bouger votre bras. Commencez le mouvement en notant bouger, bouger, bouger. Ou si vous voulez étirer les jambes, notez étirer, étirer, étirer. Et puis, si on veut les ramener, ramener, ramener, ramener. Et puis, toucher, toucher, toucher. Quand vous avez terminé d'échanger des postures et il n'y a plus aucun mouvement à faire, alors retournez sur l'observation de la douleur. Ou la douleur peut-être, elle n'est plus là. Alors, vous retournez à observer les mouvements de l'abdomen, se soulever et s'abaisser. Le dernier fondement est Dhammanupassana Satipatthana, l'observation des dhammas. Quand on ferme les yeux en méditation assise, il peut surgir des objets dans l'esprit, comme voir quelque chose, même si nos yeux sont fermés. On peut entendre aussi quelque chose, même s'il n'y a pas un objet extérieur. Quand ça se produit, la vue qui apparaît dans l'esprit, on note voir. S'il s'agit d'un son qui s'est produit dans l'esprit, on note entendre. Ou si un son extérieur, notez aussi entendre. Des odeurs apparaissent ou des goûts sur la langue, le toucher ou l'imagination peuvent apparaître. Et ces choses, on les note, voir, entendre, goûter, toucher, ou aussi penser ou encore savoir. Vous les notez et vous retournez à l'observation de l'abdomen. Celle-ci est l'observation des phénomènes généraux, Dhammanupassana Satipatthana. Donc, il y a ces quatre types de Satipatthana. Kayanupassana Satipatthana, Vedananupassana Satipatthana, Chittanupassana Satipatthana, Dhammanupassana Satipatthana. Il y a quatre types d'objets, donc quatre satipatthana, ou les quatre fondements de l'attention. Mais la racine de toutes est sati, l'attention. Tout ce qu'on a dit est par rapport à comment observer pendant la méditation assise. En plus, il y a la méditation en marche et les activités qu'on fait en dehors de la méditation. Donc, il y a trois sections à notre pratique. Les deux dernières seront discutées les prochains jours. Ce qui est important est d'être attentif à ce qui se passe en nous et appliquer l'effort pour observer et faire en sorte que l'esprit puisse rester joint et connecté à l'objet. Si vous pouvez avoir ces deux facteurs, du coup faire l'effort d'observer et de rester connecté à l'objet, avec ça, vous pouvez facilement développer la concentration. Et cette concentration peut devenir forte. Et le développement d'une forte concentration porte à beaucoup de paix. Donc, et ça, c'est ce que vous devez faire. Pour pouvoir accomplir votre objectif, quand vous êtes assis, par exemple, dites à vous-même, je vais essayer d'observer sans rien oublier. Il n'est pas question de rendre votre esprit étroit et tendu. Relâchez-vous, détendez votre esprit et vous pourrez noter ce qui est en train de se passer. Si vous pouvez dire à vous-même au début de ne rien oublier, de détendre votre esprit, alors si vous commencez à viser les objets avec cet objectif, vous arriverez à le faire et vous allez développer les dhammas que vous voulez. Sayado espère que ça sera le cas pour vous. Sadou, sadou, sadou. Katayen danai bawe ai danai doma pore ayong ko melotta mat me bo no a di lo sait ko le be song pyat tha ba pi lo le be mimmi ya khanda ko le be tat taung tat ta anida tha စိတ်ကိုလည်းပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးထားဖို့မလိုဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါထားပေါ့နော်ပေါ့ပါပါထားပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုမလွတ်အောင်မှတ်မယ်လို့အဲဒီလိုစိတ်ပိုင်းဖြာမယ်မှတ်ပြီးဆိုရင်မိမိတို့လိုရတဲ့တရားဓုတွေရနိုင်ပါတယ်တဲ့ကိုစီရနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြ၍နော်ငြိမ်းချမ်းမှုတရားတွေကိုစီရရှိနိုင်ကြပါစေ တဲ့သာဓုSadhu, sadhu.